Pour la première fois en France. Le bœuf du bœuf. 3, 4. Les oncles sont des blagues après quelques petits verres de vin. Ils se tiennent la main comme des beaufs. Les enfants jouent aux cartes, un petit jeu de cette famille. Ils sourient et rigolent comme des beaufs. Mon papa se met devant son piano, il nous joue du Vivaldi. Tout le monde applaudit comme des beaufs. Les femmes sont réunies et parlent du petit nouveau qui est né cette année comme un beauf. Je croyais que ma famille était normale et pas bourré de clichés. Mais finalement, on est tous un beauf pour quelqu'un si tu regardes bien. Celui qui t'appelle beauf est un beauf pour ton voisin. Faut pas chercher loin la solution. Le mari de ta sœur mange du jambon. Mais c'est surtout ton beauf, il mange du bœuf comme tous les beaufs. Presque comme cette chanson qui est bop bop avant d'être beauf. Le grand-père a fait tomber quelque chose de sa bouche, le dentier dans la purée, comme un beauf. Si on gagne notre anniversaire, une bougie qui s'éteint pas, tout le monde souffle comme des beaufs. Avant de commencer, on sait comment un repas sera fait, entrée, plat et dessert, comme des beaufs. Gardez-vous avec quelqu'un invité pour animer la soirée, mais ils font un gros bide, comme des beaufs. Pas bourré de clichés, mais finalement, on est tous un beauf pour quelqu'un si tu regardes bien. Celui qui t'appelle beauf est un beauf pour ton voisin. Faut pas chercher loin la solution. Le mari de ta soeur mange du jambon. Mais c'est surtout ton beauf, il mange du bœuf comme tous les beaufs. Presque comme cette chanson qui est bof bof avant d'être beauf.